elle est loin d'être un modèle, voleuse, menteuse et infidèle. Je l'ai prise dans mes dents, sac, pas étonnant que je me méfie d'elle. Elle bouge son rue quand ça l'arrange, ne sait plus sur quel pied danser. C'est fou de ce que tu peux penser, merde, je me demande ce qu'elle peut m'amidancer. Elle vend du rêve, te fait du charme sans faire dans la dentelle. Te poser la santé, te dire que c'était accidentel. Elle finira par te mettre à genoux, quitte à péter la rotule. Te caresser dans le sens du poil pour me faire passer la pilule. Son regard en dit long, elle a les yeux revolver. T'as pas le choix quand elle te dit un truc, ouais, faut le faire. Tout est une question d'oser, t'as osé lui dire je t'aime, ton cœur a pris 10 ans ferme. Ce qu'elle a su faire, c'est semer la cisanie. Aucun goût pour le partage, ne garde aucun de ses amis. Elle a les cartes en main, quoi qu'il arrive, tu joues, tu perds. L'a quitté, y'a bien longtemps que j'aurais dû le faire. Le mal est fait, mon cœur est bousillé. Perdre confiance, à force m'égosiller. Elle sait s'y faire, le doute y est. Face à Maria, je fais de mon temps.